ça fait crédible. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpi kai, pauvre con. Ce matin encore, Toff est en grève et c'est donc Jean-Claude qui appelle la police. Hein. Ah oui, j'ai trop envie, je suis toute chaude. Ah, oui. Jean-Claude, donc, qui est le patron d'un bar très select qui s'appelle le Fucking Blue Boy. Et donc, il est venu ce matin parce qu'il a vu la vidéo du flic de Santa Fe sur Mickaël.fm par exemple, qui a fait un contrôle très intime à une fille sur le capot de sa voiture. Ah oui, on sent vraiment que ces gens-là. Là-bas, ils ont le sens du devoir. Oui, ça doit être ça. Ah oui, c'est pas bon. Les mêmes. Et donc ce matin, Jean-Claude appelle les commissariats pour avoir un contrôle aussi poussé. Donc on va appeler à Huy cette fois-ci. On a appelé à la Loubière tout à l'heure. Ah oui, allez, on appelle. On appelle à Huy. Allez, c'est parti. On va voir. Parce qu'à Loubière, ils n'avaient pas d'humour. Ils étaient pas ouverts. Hein, c'est... Bizarrement. Ouais, c'est étrange. Ça a été assez bref. Allez, on y va, on appelle. Non, bah non plus, c'est bizarre. Pour la rentrée, j'ai pile en place. C'est Thomas. Allô, bonjour monsieur. Voilà, en fait, je me présente, je m'appelle Jean-Claude. Oui. Voilà, et en fait, je vous appelle parce que j'ai vu une vidéo sur internet aujourd'hui. Et ça m'a tout retourné, ça m'a frétillé. En fait, voilà, je vous explique, c'est un policier. Et en fait, il démonte une dame sur un capot de voiture. Oh là là là là. Et en fait, je voulais savoir s'il y avait peut-être quelqu'un de chez vous qui pourrait venir me démonter aujourd'hui. C'est pas faire possible parce qu'ils n'ont pas beaucoup de personnel disponible, ils sont fort occupés. Ah bon? Voilà, je suis désolé. Ah bah oui, parce voilà, que bon... Il va falloir juste fantasmer, mais malheureusement l'acte sera difficile à accomplir. Ah bon, vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait venir même après le service, du moment qu'il a l'uniforme, moi ça me va. Oui, non je n'ai pas, mais ça se loue, hein, les uniformes qui ressemblent. Ah bon? Les policiers américains par exemple, ça pourrait vous convenir. Ah oui, ce serait bien, dans, vous savez. Dans les magasins qui louent des costumes de carnaval, vous pouvez trouver des policiers. Hein. Ah bon, et alors comme ça je pourrais le passer à Jean-Luc. Voilà. Exactement. Oh, si vous voulez. Et après on pourrait refaire la scène alors sur sa voiture. Voilà, par exemple. Ah oh, ce serait bien. Ah bon ben écoutez, je vous remercie monsieur. Vous en prie, je me sens tout excité là, déjà voilà. Rien qu'à l'idée. C'est ah. Parfait. Ah, vous êtes vraiment gentil. Hein. C'est quoi votre petit nom ? Didier, monsieur. Ah, Didier. Et, voilà. Et vous n'êtes pas libre, Didier ? Pardon ? Vous n'êtes pas libre ? Parce que j'aime bien votre voix. Pas tout à fait, non. Ah bon ? Je suis désolé. Ah bah oui, je suis très déçu. Je vais devoir vous laisser, hein, parce que le travail m'appelle. Ah bon ? Eh bien, bon travail, travaillez bien. Allez, je vous embrasse fort, avec la langue. Oui, au revoir. Mouah, mouah, mouah. Il est parti. Ah bah oui, ils sont plus ouverts. Hein. Ah bah oui. Attends, j'aurais jamais cru qu'on allait tomber sur quelqu'un d'aussi ouvert que mais ça, quoi. Oui. Et aussi cool. Mais oui, bah, bien sûr, pas de problème. Bah il était pas tout à fait ouvert quand même. Ouais. Non, non, mais il a été très très gentil avec ah toi. Ah oui. Ouais, bah c'est bah vrai oui. Qu'il a encore été plutôt cool hein, quand il même. Il y a des gens qui ont quand même de l'humour. Crème, quoi. C'était bon. C'est bon, on a compris. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, Mickaël à la radio, c'est comme ça que ça se passe chaque matin. Eh oui, chaque matin entre 6h et 9h30, on est là avec vous, avec les factures comme hier, on va vous les payer évidemment. Ça se passera à 7h10, 8h10 et 9h10. Et si vous voulez vous inscrire, bah dès maintenant, sachez que c'est possible. 63-22, débutez le message par facture, c'est 1€ par message. Vous laissez le montant de la facture qu'on doit vous rembourser, ainsi que l'objet de la facture. C'est-à-dire pourquoi on doit vous la rembourser, qu'est-ce que vous avez acheté surtout en fait, c'est ça qu'on voudrait savoir. Et nous paierons ça tout à l'heure, donc à 7h10 pour le premier encart de ce matin. Et puis ce matin, eh bien j'ai une petite question à poser à Julie. Julie, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut être justement pour faire un bon journaliste à la radio le matin, par exemple? Mais il faut être attentive à ce qui se passe dans le monde, forcément, bien recouper ses infos, être concentré, ce qui n'est pas toujours facile ici. C'est vrai. Donc un bon début serait, par exemple, de ne pas se tromper dans les mots. Hein, et de quoi qu'il arrive, par exemple, continuer à donner l'info, toute l'info, rien que l'info, et tu peux même lever la main droite et dire, je le jure. Non, mais attends, je sens où vous voulez non, en venir. Non, non, je te demande ça, parce qu'il y a un informateur qui a demandé à rester anonyme, qui nous a envoyé un son. Non, non, mais j'ai pas dit qu'il fallait pas se tromper dans les mots, ça peut arriver à tout le monde, d'accord. Surtout quand ton réel bon. Se marre en face de toi et que forcément tu pars dans un fou rire, si c'est ça où vous voulez en venir. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Moi je vois assez de quoi tu parles. Et c'était un très très grand moment. Et Bertrand, qui est d'ailleurs ici, l'a vécu avec moi. Et c'était très très drôle. Pour ceux qui n'étaient pas là, écoutons. 17% des Belges fument régulièrement. Malgré le nombre de fumeurs qui est en baisse, chaque année, 18 000 personnes meurent dans notre pays à cause du tabac. La prise en charge des soins de santé coûte plus à l'État que la cigarette ne rapporte. Excusez-moi. Pour les personnes qui souffrent du rhume des foins, le pire est à venir. Plusieurs espèces de graminées sont en pleine période de floraison. Et partant sec et ensoleillé, le nombre de grains de pollen peut augmenter rapidement. Les personnes qui souffrent du rhume des foins doivent rester vigilantes. Il est notamment conseillé aux personnes concernées de prendre soigneusement leurs médicaments. C'est mal que vous faites. Et d'éviter les efforts physiques en plein air, de porter des lunettes solaires ou de ne pas sécher leur linge à l'extérieur. C'est très dur comme moment. Ne veut manger de concombre depuis l'affaire des concombres espagnols infectés par une bactérie. Il aurait touché déjà 14 personnes en Allemagne. Le prix du concombre est 4 fois moins cher qu'à la normale. Et pourtant, plus personne ne veut en acheter. Cela dit, les autorités se veulent rassurantes. Les concombres belges ne sont pas contaminés. Il est toujours conseillé de les laver soigneusement. Donc là, elle a pris du speed. Hein. En fait, le temps tournait. Et à cette époque-là, on était donc calé sur la France. Et j'avais que 2 minutes 30. Ouais. Donc je voyais le temps qui défilait pendant que je me marrais. Donc J'ai dû pulser, mais c'était très drôle, mais grand moment de solitude. La question, tu pensais à quoi ? Nombre de fumeurs qui est en baisse. Et oui, donc déjà à l'époque, elle était en drame avec son mec. C'est un drame. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Chez toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio.